j'ai les vieux, rouge c'est le THC. Tu veux la prod pétasse, c'est le THC. FLRG tous les jours, c'est trop la crise. Zen, chip, j'suis branché, négro, S sur la prise. MMS, LD, au vrai, négro, si t'es comme nous, t'en trouves pas d'autres. Face au virus, remballe ta bille, on la connaît, va la faire à d'autres. J'suis dans le lex, j'suis dans le broma. Si tu t'allumes comme nous, tu finis dans le broma, gadin. Négro, SOLG. Dans le futur, comme après 7G. J'suis connecté en 7G. Je me sens comme un avion, je consomme là de carburant. L'un, gaz, xam, j'ai voix de carburant. On veut des immeubles, des champs et des usines. Des Walter P9, des tanks et des UG. Très loin de toi, à des années-lumière de Hubble. Shenzhen, j'ai des techniques de propagande de Goebbels. Je veux Vladiro dans 10 comptes négro. La famille et l'Oriac, ça qui compte négro. Je vois la machine qui compte négro. À part Dieu et moi, personne sur qui je compte négro. Je vois zéro dans 10 comptes négro. La famille et l'Oriac, ça qui compte négro. Je vois la machine qui compte négro. À part Dieu et moi, personne sur qui je compte négro. Équipe.